Ouais, un simple regard sur le monde. Ah ah, c'est monsieur R. Pour l'année 2000. Et on dit les choses comme elles doivent être dites. Mon encre bleu rougit, bannit les pères et mères qui impliquent l'inceste sur leurs fils et filles. Ça jamais j'oublie, on se dédouble, on croit faire le dollar au rouble. Inquiète-toi pour ta vie, mec, si tu me doubles. Peuple, arme blanche, si tu te penches sur mes dires, tu te penches pas du mauvais côté. Rien à dire à part que la vie est à ta tatami. On se tape des tatas, des pizzas yolo et des punani. CRS, qu'on raciste, tous des salopes. Qui s'y frotte, s'y pique chez nous, c'est celui qui pique qui se frotte. Les mains, on craint Dieu, notre seul destin. Pas d'intérim, t'es sûr de manger. J'ai que la moitié du pain, mec, t'es du père. Cache mes niala. Mais la Bible, j'y crois dur comme faire Mohamed. N'a pas niqué Rala. On insère des jetons dans un jeu qu'on s'est truqué. On a les jetons quand on est sur les terrains non scrutés. La France fit un bisou de Judas sur les joues sous. La France nous cherche des poux et nous comme des hiboux. Sur la nuit, pas pour danser sur deux licornes, mais sur du Erasson, du Crawl, Ibane. Garde des bombes dans les baquets, on croit que t'as sorti d'affaires. Si c'est ta misère que tu parles, man, ce n'est pas une masse à faire. On voyage en l'oppresseur, on réveille les sœurs et frères. Alors un team protect, seul guidance pour sortir cet enfer. Garde des bombes dans les baquets, on croit que t'as sorti d'affaires. Si c'est ta misère que tu parles, man, ce n'est pas une masse à faire. On voyage en l'oppresseur, on réveille les sœurs et frères. Alors un team protect, seul guidance pour sortir cet enfer. Quiconque talon Dieu crébuche, t'étonne pas que Satan se présente à toi. Sage comme un petit fœtus, avec une Lexus, finira ingrat. Dans la grâce d'un homme ou une putain de seringue sous le bras. On fait des choses pour nous épargner du regard des autres. Les nôtres se vautrent parce qu'ils veulent devenir des vôtres. Vivre dans des palais, n'avoir plus le palais. C'est 40, il fallait la fermer, mec, tant tu les talais. Le pouvoir politique n'est souvent d'un canot d'un fusil. La différence est large entre un as et un nazi. Sur la case bonheur, honneur aux miens. Qui braque l'état pour quitter la douleur, c'est mal, c'est bien, on perd pied, d'ailleurs on n'est pas les seuls. Jospin traite des résistants terroristes, on a failli son deuil. On bousille notre mémoire à coup de machette. Tandis qu'achète, fonce au capital quand c'est lui j'achète. Pas net, sous ceux qui nous dirigent, qui nous canettent. Nous sommes des grains de sable dans cette putain de planète. Pas honnête, nous le sommes avec nos cigarettes. Des cons qui te rencontrent si t'en abuses, ça c'est clair et net. On manipule les chiffres, on chiffre à 3 millions. Le nombre de chômeurs, plusieurs fois la population de Chypre. On triche en appliquant la politique de l'autruche. En Autriche, Heider applique la politique de Hitler. Imagine le niveau du désespoir qu'a atteint le genre de mec qui vote pour ce genre de mec atteint du syndrome de la non-accès. C'est un son de la différence. Toute crise économique offre un boulevard à l'extrémisme. Et on voit que j'ai sorti d'affaires.